Chapitre 16. Je vous dis cela pour que vous n'abandonniez pas la foi. On vous chassera des synagogues, et même le moment viendra où ceux qui vous tueront croiront servir Dieu de cette façon. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous dis cela pour que, lorsque le moment sera venu pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais la tristesse a rempli votre cœur parce que je vous ai parlé ainsi. Cependant je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte, car si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il viendra, il prouvera aux hommes de ce monde qu'ils se trompent au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement de Dieu. Ils se trompent au sujet du péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas par sa seule autorité, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il me donnera gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis peu de temps après, vous me reverrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent alors entre eux, « Qu'est-ce que cela signifie ? » Il nous déclare, « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis peu de temps après, vous me reverrez. » Et aussi, « C'est parce que je m'en vais auprès du Père. » Que signifie ce peu de temps dont il parle? Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Jésus, sachant qu'il désirait l'interroger, leur dit, « Je vous ai déclaré, dans peu de temps vous ne me verrez plus, puis peu de temps après vous me reverrez. Est-ce à ce sujet que vous vous posez des questions entre vous? Je vous le déclare, en vérité vous pleurerez et vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Quand une femme va mettre au monde un enfant, elle est triste, parce que le moment de souffrir est arrivé pour elle. Mais quand le bébé est né, elle oublie sa souffrance, parce qu'elle est joyeuse de ce qu'un être humain soit venu au monde. De même, vous êtes triste, vous aussi, maintenant. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et personne ne pourra vous enlever votre joie. Quand viendra ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Je vous le déclare, en vérité, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. Je vous ai dit tout cela au moyen de paraboles. Le moment viendra où je n'utiliserai plus de paraboles pour vous parler, mais où je vous annoncerai clairement ce qui se rapporte au Père. Quand viendra ce jour, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom, et je ne vous dis pas que je le prierai pour vous, car le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis venu de Dieu. Je suis venu du Père et je suis arrivé dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je m'en vais auprès du Père. Ses disciples lui dirent alors, « Voilà, maintenant tu parles clairement, sans utiliser de paraboles. Maintenant nous savons que tu connais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. » « Maintenant vous croyez, leur répondit Jésus. Eh bien le moment vient et il est déjà là. Où vous serez tous dispersés, chacun dans sa maison, et où vous me laisserez seul. Non, je ne suis pas vraiment seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix dans l'union avec moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde.